À ce moment, Benedetta ne put retenir un cri d'admiration heureuse en apercevant devant elle une jeune fille d'une beauté superbe. « Oh, que bellezza !» Et Dario, l'ayant reconnue, s'écria du même air ravi. « Hé, c'est la Pierina ! Elle va nous conduire !» Depuis un instant, l'enfant suivait le groupe, sans se permettre d'approcher. Ses regards s'étaient ardemment fixés sur le prince, luisant d'une joie d'esclave amoureuse. Puis, ils avaient vivement dévisagé la contessina, mais sans colère, avec une sorte de soumission tendre, de bonheur résigné, à la trouver très belle, elle aussi. Et elle était en vérité telle que le prince l'avait dépeinte. Grande, solide, avec une gorge de déesse, une vraie antique, une Junon à 20 ans. Le menton un peu fort, la bouche et le nez d'une correction parfaite, de larges yeux de génisse et la face éclatante, comme dorée d'un coup de soleil sous le casque de lourds cheveux noirs. « Alors, tu vas nous conduire ?» demanda Benedetta, familière, souriante, déjà consolée des laideurs voisines, à l'idée qu'il pouvait exister des créatures pareilles. « Oh oui, madame, oui, tout de suite !» Elle courut devant eux, chaussée de souliers sans trous, vêtue d'une vieille robe de laine marron, qu'elle avait dû laver et raccommoder récemment. On sentait sur elle certains soins de coquetterie, un désir de propreté que n'avaient pas les autres. À moins que ce ne fût simplement sa grande beauté qui rayonna de ses pauvres vêtements, et fit d'elle une déesse. « Que bellette ça ! Que bellette ça !» ne se lassait pas de répéter la contessina tout en la suivant. « C'est un régal, mon Dario, que cette fille a regardé !»« Je savais bien qu'elle te plairait, » répondit-il simplement, flatté de sa trouvaille, ne parlant plus de s'en aller, puisqu'il pouvait enfin reposer les yeux sur quelque chose d'agréable à voir. Derrière eux venait Pierre, émerveillé également, à qui Narcisse disait les scrupules de son goût, qui étaient pour le rare et le subtil. Oui, oui, sans doute, elle est belle. Seulement, leur type romain, mon cher, au fond, rien n'est plus lourd, sans âme, sans au-delà. Il n'y a que du sang sous leur peau. Il n'y a pas de ciel. Mais la Pierina s'était arrêtée, et d'un geste, elle montra sa mère, assise sur une caisse défoncée à demi, devant la haute porte d'un palais inachevé. Elle avait dû être aussi fort belle, ruinée à 40 ans, les yeux éteints de misère, la bouche déformée aux dents noires, la face coupée de grandes rides molles, la gorge énorme et tombante. Et elle était d'une saleté affreuse, ses cheveux grisonnants dépeignés, envolés en mèches folles, sa jupe et sa camisole souillées, fendues, laissant voir la crasse des membres. Des deux mains, elle tenait sur ses genoux un nourrisson, son dernier né, qui s'était endormi. Elle le regardait, comme foudroyé et sans courage, de l'air de la bête de somme résignée à son sort, en mère qui avait fait des enfants et les avait nourris sans savoir pourquoi. « Ah, bon, bon !» dit-elle en relevant la tête. « C'est le monsieur qui est venu me donner un écu, parce qu'il t'avait rencontré en train de pleurer. Et il revient nous voir avec des amis. Bon, bon, il y a tout de même de braves cœurs !» Alors, elle dit leur histoire, mais mollement, sans chercher même à les apitoyer. Elle s'appelait Giacinta. Elle avait épousé un maçon, Tommaso Gozzo, dont elle avait eu 7 enfants. La Pierina, et puis Tito, un grand garçon de 18 ans, et 4 autres filles encore, de 2 années en 2 années. Et puis celui-ci, enfin, un garçon de nouveau qu'elle tenait sur les genoux. Très longtemps, ils avaient habité le même logement au Transtévère, dans une vieille maison qu'on venait d'abattre. Et il semblait qu'on eût, en même temps, abattu leur existence. Car, depuis qu'ils s'étaient réfugiés auprès du château, tous les malheurs les frappaient. La crise terrible sur les constructions qui avait réduit au chômage Tommaso et son fils Tito, la fermeture récente de l'atelier de perles de cire où la Pierrina gagnait jusqu'à 20 sous, de quoi ne pas mourir de faim. Maintenant, personne ne travaillait plus. La famille vivait de hasard. Si vous préférez monter, madame et messieurs, vous trouverez là-haut Tommaso avec son frère Ambrogio, que nous avons pris chez nous, et ils sauront mieux vous parler. Ils vous diront les choses qu'il faut dire. Que voulez-vous? Tommaso se repose, et c'est comme Tito, il dort, puisqu'il n'a rien de mieux à faire. De la main, elle montrait, allongée dans l'herbe sèche, un grand gaillard, le nez fort, la bouche dure, qui avait les admirables yeux de la Pierrina. Il s'était contenté de lever la tête, inquiet de ses gens. Un pli farouche creusa son front lorsqu'il remarqua de quel regard ravi sa sœur contemplait le prince. Et il laissa retomber sa tête, mais il ne referma pas les paupières. Il les guetta. « Pierrina, conduis donc madame et ces messieurs, puisqu'ils veulent voir. » D'autres femmes s'étaient approchées, traînant leurs pieds nus dans des savates. Des bandes d'enfants grouillaient, des fillettes à demi vêtues, parmi lesquelles, sans doute, les 4 de Giacinta, toutes si semblables avec leurs yeux noirs sous leurs tignasses emmêlées, que les mères seules pouvaient les reconnaître. Et c'était en plein soleil, comme un pullulement, un campement de misère, au milieu de cette rue de majestueux désastres, bordée de palais inachevés et déjà en ruine. Doucement, Benedetta dit à son cousin, avec une tendresse souriante, « Non, ne monte pas, toi. Je ne veux pas ta mort, mon Dario. Tu as été bien aimable de venir jusqu'ici. Attends-moi sous ce beau soleil, puisque monsieur l'abbé et monsieur Habert m'accompagnent. » Il se mit à rire lui aussi, et il accepta très volontiers. Il alluma une cigarette, puis se promena à petits pas, satisfait de la douceur de l'air. La Pierrina était entrée vivement sous le vaste porche, à la haute voûte ornée de caissons à rosaces. Mais un véritable lit de fumier, dans le vestibule, couvrait les dalles de marbre dont on avait commencé la pose. Ensuite, c'était le monumental escalier de pierre, à la rampe ajourée et sculptée, et les marches se trouvaient déjà rompues, souillées d'une telle épaisseur d'immondices qu'elles en paraissaient noires. Partout, les mains avaient laissé des traces graisseuses. Toute une ignominie sortait des murs, restés à l'état brut, dans l'attente des peintures et des dorures qui devaient les décorer. Au premier étage, sur le vaste palier, la Pierrina s'arrêta, et elle se contenta de crier, par la baie d'une grande porte béante, sans huisserie ni vantau. « Père, c'est une dame et 2 messieurs qui vont te voir !» Puis, se tournant vers la contessina, « Tout au fond, dans la 3e salle !» Et elle se sauva. Elle redescendit l'escalier plus vite qu'elle ne l'avait monté, courant à sa passion. Benedetta et ses compagnons traversèrent 2 salons immenses, au sol bossué de plâtre, aux fenêtres ouvertes sur le vide. Et ils tombèrent enfin dans un salon plus petit, où toute la famille Gozzo s'était installée avec les débris qui lui servaient de meubles. Par terre, sur les solives de fer laissées à nu, traînaient 5 ou 6 paillasses lépreuses mangées de sueur. Une longue table, solide encore, tenait le milieu, et il y avait aussi de vieilles chaises dépaillées, raccommodées à l'aide de cordes. Mais le gros travail avait consisté à boucher deux fenêtres sur trois avec des planches, tandis que la troisième et la porte étaient fermées par d'anciennes toiles à matelas criblées de taches et de trous. Tommaso, le maçon, parut surpris, et il fut évident qu'il n'était guère habitué à de pareilles visites de charité. Il était assis devant la table, les deux coudes sur le bois, le menton entre les mains, en train de se reposer, comme l'avait dit sa femme Giacinta. C'était un fort gaillard de 45 ans, barbu et chevelu, la face grande et longue, d'une sérénité de sénateur romain, dans sa misère et dans son oisiveté. La vue des deux étrangers, qu'il flaira tout de suite, l'avait fait se lever d'un brusque mouvement de défiance. Mais il sourit dès qu'il reconnut Benedetta, et comme elle lui parlait de Dario, resté en bas, en lui expliquant leur but charitable, « Oh, je sais, Contessina, oui, je sais bien qui vous êtes, car j'ai muré une fenêtre au palais Boccanera du temps de mon père. » Alors, complaisamment, il se laissa questionner. Il répondit à Pierre, surpris qu'on n'était pas très heureux, mais qu'enfin on aurait vécu tout de même si l'on avait pu travailler 2 jours seulement par semaine. Et au fond, on le sentait assez content de se serrer le ventre, du moment qu'il vivait à sa guise, sans fatigue. C'était toujours l'histoire de ce serrurier qui, appelé par un voyageur pour ouvrir la serrure d'une malle dont la clé était perdue, refusait absolument de se déranger à l'heure de la sieste. On ne payait plus son logement puisqu'il y avait des palais vides ouverts au pauvre monde, et quelques sous auraient suffi pour la nourriture, tellement on était sobre et peu difficile. « Oh, monsieur l'abbé, tout allait beaucoup mieux sous le pape. Mon père, qui était maçon comme moi, a travaillé sa vie entière au Vatican. Et moi-même, aujourd'hui encore, quand j'ai quelques journées d'ouvrage, c'est toujours là que je les trouve. Voyez-vous, nous avons été gâtés par ces 10 années de gros travaux, où l'on ne quittait pas les échelles, où l'on gagnait ce qu'on voulait. Naturellement, on mangeait mieux, on s'habillait, on ne se refusait aucun plaisir. Et c'est plus dur aujourd'hui de se priver. Mais sous le pape, monsieur l'abbé, si vous étiez venu nous voir, pas d'impôts, tout se donnait pour rien. On n'avait vraiment qu'à se laisser vivre. » À ce moment, un grondement s'éleva d'une des paillasses dans l'ombre des fenêtres bouchées, et le maçon reprit de son air lent et paisible « C'est mon frère Ambrogio qui n'est pas de mon avis. Lui a été avec les Républicains en 49, à l'âge de 14 ans. Ça ne fait rien, nous l'avons pris avec nous, quand nous avons su qu'il se mourait dans une cave de faim et de maladie. » Les visiteurs, alors, eurent un frémissement de pitié. Ambrogio était l'aîné de 15 ans, et, âgé de 60 ans à peine, il n'était plus qu'une ruine, dévoré par la fièvre, traînant des jambes si diminuées qu'il passait les jours sur sa paillasse sans sortir. Plus petit que son frère, plus maigre et turbulent, il avait exercé l'état de menuisier. Mais dans sa déchéance physique, il gardait une tête extraordinaire, une face d'apôtre et de martyr, d'une expression noble et tragique, encadré dans un hérissement de barbe et de chevelure blanche. « le pape !» gronda-t-il. « Je n'ai jamais mal parlé du pape. C'est sa faute pourtant si la tyrannie continue. Lui seul, en 49, aurait pu nous donner la République, et nous n'en serions pas où nous en sommes. » Il avait connu Mazzini. Il en conservait la religiosité vague, le rêve d'un pape républicain faisant enfin régner la liberté et la fraternité sur la terre. Mais plus tard, Sa passion pour Garibaldi, en troublant cette conception, lui avait fait juger la papauté indigne désormais, incapable de travailler à la libération humaine. De sorte qu'il ne savait plus trop au juste, partagé entre la chimère de sa jeunesse et la rude expérience de sa vie. D'ailleurs, il n'avait jamais agi que sous le coup d'une émotion violente, et il en restait à de belles paroles, à des souhaits vastes et indéterminés. « Ambrogio, mon frère, reprit tranquillement Tommaso, le pape est le pape, et la sagesse est de se mettre avec lui, parce qu'il sera toujours le pape, c'est-à-dire le plus fort. Moi, demain, si l'on votait, je voterai pour lui. » Le vieil ouvrier ne se hâta pas de répondre. Toute la prudence avisée de la race l'avait calmé. « Moi, Tommaso, mon frère, je voterai contre, toujours contre. Et tu sais bien que nous aurions la majorité. C'est fini, le pape roi. Le Borgo lui-même se révolterait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doive pas s'entendre avec lui, pour que la religion de tout le monde soit respectée. » Intéressé vivement, Pierre écoutait. Il se risqua à poser une question. « Et y a-t-il beaucoup de socialistes à Rome parmi le peuple ?» Cette fois, la réponse se fit attendre davantage encore. « Des socialistes, monsieur l'abbé, oui, sans doute, quelques-uns, mais bien moins nombreux que dans d'autres villes. Ce sont des nouveautés où vont les impatients, sans y entendre grand-chose peut-être. Nous, les vieux, nous étions pour la liberté. Nous ne sommes pas pour l'incendie, ni pour le massacre. » Et il craignit d'en dire trop devant cette dame et ces messieurs. Il se mit à geindre en s'allongeant sur sa paillasse, pendant que la contessina prenait congé, un peu incommodée par l'odeur, après avoir averti le prêtre qu'il était préférable de remettre leur aumône à la femme en bas. Déjà, Tommaso avait repris sa place devant la table, le menton entre les mains, tout en saluant ses hôtes, sans plus s'émotionner à leur sortie qu'à leur entrée. « Bien au revoir, et très heureux d'avoir pu vous être agréable. » Mais sur le seuil, l'enthousiasme de Narcisse éclata. Il se retourna pour admirer encore la tête du vieil Ambrogio. « Oh, mon cher abbé, quel chef-d'œuvre ! La voilà la merveille, la voilà la beauté ! Combien cela est moins banal que le visage de cette fille ! Ici, je suis certain que le piège du sexe ne m'induit pas en une tentation malpropre. Je ne m'émeus pas pour des raisons basses. Et puis, franchement, quel infini dans ses rides, quel inconnu au fond des yeux noyés, quel mystère parmi le hérissement de la barbe et des cheveux. On rêve un prophète, un Dieu le Père. » En bas, Giacinta était encore assise sur la caisse à demi défoncée, avec son nourrisson en travers des genoux. Et à quelques pas, la Pierina, debout devant Dario, le regardait finir sa cigarette d'un air d'enchantement. Tandis que Tito, rasé dans l'herbe comme une bête à l'affût, ne les quittait toujours pas des yeux. « Ah, madame !» reprit la mère de sa voix résignée et dolente. « Vous avez vu, ce n'est guère habitable. La seule bonne chose, c'est qu'on a vraiment de la place. Autrement, il y a des courants d'air à prendre la mort matin et soir. Et puis, j'ai continuellement peur pour les enfants, à cause des trous. » Elle conta l'histoire de la femme qui, se trompant un soir, croyant sortir sur le palier, avait pris une fenêtre pour la porte et s'était tuée net en culbutant dans la rue. Une petite fille aussi s'était cassé les deux bras en tombant du haut d'un escalier qui n'avait pas de rampe. D'ailleurs, on serait resté mort là-dedans, sans que personne le sût et s'avisa d'aller vous ramasser. La veille, on avait trouvé, au fond d'une pièce perdue, couché sur le plâtre, le corps d'un vieil homme, que la faim devait y avoir étranglé depuis près d'une semaine. Et il y serait resté sûrement, si l'odeur infecte n'avait averti les voisins de sa présence. Encore si l'on avait à manger, continua Giacinta. Et quand on nourrit et qu'on ne mange pas, on n'a pas de lait. Ce petit-là, ce qu'il me suce le sang. Il se fâche, il en veut, et moi, n'est-ce pas? Je me mets à pleurer, car ce n'est pas ma faute s'il n'y a rien. Des larmes, en effet, étaient montées à ses pauvres yeux pâlis. Mais elle fut prise d'une brusque colère en remarquant que Tito n'avait pas bougé de son herbe, vautré comme une bête au soleil, ce qu'elle jugeait mal poli pour ce beau monde, qui allait sûrement lui laisser une aumône. Hé, Tito, fainéant, est-ce que tu ne pourrais pas te mettre debout quand on vient te voir? Il fit d'abord la sourde oreille. Il finit pourtant par se relever d'un air de grande mauvaise humeur. Et Pierre, qui l'intéressait, tâcha de le faire parler, de même qu'il avait questionné le père et l'oncle là-haut. Il n'en tira que des réponses brèves, pleines de méfiance et d'ennui. Puisqu'on ne trouvait pas de travail, il n'y avait qu'à dormir. Ce n'était pas en se fâchant qu'on changerait les choses. Le mieux était donc de vivre comme on pouvait sans augmenter sa peine. Quant à des socialistes, oui, peut-être, il y en avait quelques-uns, mais lui n'en connaissait pas. Et de son attitude lasse, indifférente, il ressortait clairement que si le père était pour le pape et l'oncle pour la République, lui, le fils, n'était certainement pour rien. Pierre sentit là une faim de peuple, ou plutôt le sommeil d'un peuple dans lequel une démocratie ne s'était pas éveillée encore. Mais comme le prêtre continuait, voulant savoir son âge, à quelle école il était allé, dans quel quartier il était né, Tito brusquement coupa court, en disant d'une voix grave, un doigt en l'air tourné vers sa poitrine, « Io son romano di Roma !» En effet, cela ne répondait-il pas à tout? « Moi, je suis romain de Rome !» Pierre eut un sourire triste et se tut. Jamais il n'avait mieux senti l'orgueil de la race, le lointain héritage de gloire si lourd aux épaules. Chez ce garçon dégénéré, qui savait à peine lire et écrire, revivait la vanité souveraine des Césars. Ce meurt-de-faim connaissait sa ville. On aurait pu dire d'instinct l'histoire aux belles pages. Les noms des grands empereurs et des grands papes lui étaient familiers. Et pourquoi travailler alors, après avoir été les maîtres de la terre? Pourquoi ne pas vivre de noblesse et de paresse dans la plus belle des villes, sous le plus beau des ciels? Io son romano di Roma. Benedetta avait glissé son aumône dans la main de la mère. Et Pierre, ainsi que Narcisse, voulant s'associer à sa bonne œuvre, faisait de même. Lorsque Dario, qui lui aussi s'était joint à sa cousine, eut une idée gentille, désireux de ne pas oublier la Pierina, à qui il n'osait offrir de l'argent. Il posa légèrement les doigts sur ses lèvres, il dit avec un léger rire « Pour la beauté !» Et cela fut vraiment doux et joli, ce baiser envoyé, ce rire qui s'en moquait un peu, ce prince familier, que touchait l'adoration muette de la belle perlière, comme dans une histoire d'amour du temps jadis. La Pierina devint toute rouge de contentement, et elle perdit la tête. Elle se jeta sur la main de Dario et colla ses lèvres chaudes dans un mouvement irraisonné, où il entrait autant de divine reconnaissance que de tendresse amoureuse. Mais les yeux de Tito avaient flambé de colère. Il saisit brutalement sa sœur par sa jupe, l'écarta du poing en grondant sourdement. « Toi, tu sais, je te tuerai, et lui aussi !» Il était grand temps de partir, car d'autres femmes, ayant flairé l'argent, s'approchaient, tendaient la main, lançaient des enfants en larmes. Un émoi agitait le misérable quartier des grandes bâtisses abandonnées. Un cri de détresse montait des rues mortes aux plaques de marbre retentissantes. Et que faire? On ne pouvait donner à tous. Il n'y avait que la fuite, le cœur débordé de tristesse devant cette conclusion de la charité impuissante. Lorsque Benedetta et Dario furent revenus à leur voiture, ils se hâtèrent d'y monter. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, ravis d'échapper à un tel cauchemar. Elle était heureuse pourtant de s'être montrée brave devant Pierre, et elle lui serra la main en élève attendrie, lorsque Narcisse eut déclaré qu'il gardait le prêtre pour l'emmener déjeuner au petit restaurant de la place Saint-Pierre, d'où l'on avait une vue si intéressante sur le Vatican. « Buvez du petit vin blanc de Genzano !» leur cria Dario, redevenu très gai. « Il n'y a rien de tel pour chasser les idées noires !» Mais Pierre se montrait insatiable de détails. En chemin, il questionna encore Narcisse sur le peuple de Rome, sa vie, ses habitudes, ses mœurs. L'instruction était presque nulle. Aucune industrie d'ailleurs, aucun commerce pour le dehors. Les hommes exerçaient les quelques métiers courants, toute la consommation ayant lieu sur place. Parmi les femmes, il y avait des perlières, des brodeuses et l'article religieux. Les médailles, les chapelets, avaient de tout temps occupé un certain nombre d'ouvriers, de même que la fabrication des bijoux locaux. Mais dès que la femme était mariée, mère de ces nuées d'enfants qui poussaient à miracle, elle ne travaillait guère. En somme, c'était une population se laissant vivre, travaillant juste assez pour manger, se contentant de légumes, de pâtes, de basse viande de mouton, sans révolte, sans ambition d'avenir, n'ayant que le souci de cette vie précaire, au jour le jour. Les deux seuls vices étaient le jeu et les vins rouges et blancs des châteaux romains, des vins de querelles et de meurtres, qui, les soirs de fête, au sortir des cabarets, semaient les rues d'hommes râlants, la peau trouée à coups de couteau. Les filles se débauchaient peu, on comptait celles qui se donnaient avant le mariage. Cela venait de ce que la famille était restée très unie, soumise étroitement à l'autorité absolue du père. Et les frères eux-mêmes veillaient sur l'honnêteté des sœurs, comme ce Tito, si dur à la Pierina, la gardant avec un soin farouche, non par une pensée de jalousie inavouable, mais pour le bon renom, pour l'honneur de la famille. Et cela sans religion réelle, au milieu de la plus enfantine idolâtrie, tous les cœurs allant à la Madone et au Saint, qui seuls existaient, que seuls on implorait, en dehors de Dieu, à qui personne ne s'avisait de songer. Dès lors, la stagnation de ce bas peuple s'expliquait aisément. Il y avait, derrière, des siècles de paresse encouragée, de vanité flattée, de molle existence acceptée. Quand ils n'étaient ni maçons, ni menuisiers, ni boulangers, ils étaient domestiques, ils servaient les prêtres à la solde plus ou moins directe de la papauté. De là, les deux parties tranchées. Les anciens Carbonari, devenus des Masiniens et des Garibaldiens, les plus nombreux sûrement, l'élite du Transtévère. Puis, les clients du Vatican, tous ceux qui vivaient de l'Église, de près ou de loin, et qui regrettaient le pape roi. Mais, de part et d'autre, cela restait à l'état d'opinion dont on causait, sans que jamais l'idée s'éveillât d'un effort à faire, d'une chance à courir. Il aurait fallu une brusque passion, balayant la solide raison de la race, la jetant à quelque courte démence. À quoi bon ? La misère venait de tant de siècles. Le ciel était si bleu. La sieste valait mieux que tout aux heures chaudes. Et un seul fait semblait acquis, le fonds de patriotisme, la majorité certaine pour Rome capitale, cette gloire reconquise, à ce point qu'une révolte avait failli éclater dans la cité léonine lorsque le bruit avait couru d'un accord entre l'Italie et le pape, ayant pour base le rétablissement du pouvoir temporel sur cette cité. Si la misère pourtant semblait avoir grandi, si l'ouvrier romain se plaignait davantage, c'était qu'il n'avait vraiment rien gagné aux travaux énormes qui s'étaient pendant 15 ans exécutés chez lui. D'abord, plus de 40 000 ouvriers avaient envahi sa ville. Des ouvriers venus du nord pour la plupart, qui travaillaient à bas prix, plus courageux et plus résistants. Puis, lorsque lui-même avait eu sa part dans la besogne, il avait mieux vécu sans faire d'économie, de sorte que lorsque la crise s'était produite et qu'on avait dû rapatrier les 40 000 ouvriers des provinces, lui s'était retrouvé comme devant dans une ville morte où les ateliers chômaient, sans espoir de se faire embaucher de longtemps. Et il retombait ainsi à son antique indolence, satisfait au fond que trop de travail ne le bouscula plus, faisant de nouveau le meilleur ménage possible avec sa vieille maîtresse, la misère, sans un sou et grand seigneur. Pierre, surtout, était frappé des caractères différents de la misère, à Paris et à Rome. Certes, ici, le dénouement était plus absolu, la nourriture plus immonde, la saleté plus repoussante. Pourquoi donc ces effroyables pauvres gardaient-ils plus d'aisance et de gaieté réelle? Lorsqu'il évoquait un hiver de Paris, les bouges qu'il avait en visité, où la neige entrait, où grelottaient des familles sans feu et sans pain, il se sentait le cœur éperdu d'une compassion qu'il ne venait pas d'éprouver si vive auprès du château. Et il comprit enfin. La misère, à Rome, était une misère qui n'avait pas froid. Ah oui, quelle douce et éternelle consolation! Un soleil toujours clair, un ciel bienfaisant, qui restait bleu sans cesse, par bonté pour les misérables. Qu'importait l'abomination du logis si l'on pouvait dormir dehors, dans la caresse du vent tiède? Qu'importait même la faim si la famille attendait l'aubaine du hasard par les rues ensoleillées au travers des herbes sèches? Le climat rendait sobre, aucun besoin d'alcool ni de viande rouge pour affronter les brouillards. La divine fainéantise riait aux soirées d'or, la pauvreté devenait une jouissance libre dans cet air délicieux, où semblait suffire à la créature le bonheur de vivre. À Naples, comme le racontait Narcisse, dans ces quartiers du port et de Sainte-Lucie, aux rues étroites, nauséabondes, pavoisées de linge en train de sécher, la vie entière du peuple se passait dehors. Les femmes et les enfants qui n'étaient pas en bas, dans la rue, vivaient sur les légers balcons de bois, suspendus à toutes les fenêtres. On y cousait, on y chantait, on s'y débarbouillait. Mais la rue, surtout, était la salle commune. Des hommes qui achevaient de passer leurs culottes, des femmes demi-nues qui pouillaient leurs enfants et qui s'y peignaient elles-mêmes. Une population d'affamés dont le couvert s'y trouvait toujours mis. C'était sur de petites tables, dans des voitures, un continuel marché de mangeailles à bas prix, des grenades et des pastèques trop mûres, des pâtes cuites, des légumes bouillis, des poissons frits, des coquillages, toute une cuisine faite, constamment prête parmi la cohue, qui permettait de manger là, au plein air, sans jamais allumer de feu. Et quelle cohue grouillante! Les mères sans cesse à gesticuler, les pères assis à la file le long des trottoirs, les enfants lâchés en galop sans fin, cela au milieu d'une frénésie de vacarme, des cris, des chansons, de la musique, la plus extraordinaire des insouciances. Des voix rauques éclataient en grand rire, des faces brunes, pas belles, avaient des yeux admirables qui flambaient de la joie d'être, sous les cheveux d'encre ébouriffés. Ah, pauvre peuple gai, si enfant, si ignorant, dont l'unique désir se bornait aux quelques sous nécessaires pour manger à sa faim, dans cette foire perpétuelle. Certainement, jamais démocratie n'avait eu moins conscience d'elle-même. Puisque, disait-on, il regrettait l'ancienne monarchie, sous laquelle leur droit à cette vie de pauvreté insoucieuse semblait mieux assuré, on se demandait s'il fallait se fâcher pour eux, leur conquérir, malgré eux, plus de science et de conscience, plus de bien-être et de dignité. Une infinie tristesse, pourtant, montait au cœur de Pierre de cette saleté des mœurs de faim, dans la griserie et la duperie du soleil. C'était bien le beau ciel qui faisait l'enfance prolongée de ce peuple, qui expliquait pourquoi cette démocratie ne s'éveillait pas plus vite. Sans doute, à Naples, à Rome, ils souffraient de manquer de tout. Mais ils ne gardaient pas en eux la rancune des atroces jours d'hiver, la rancune noire d'avoir tremblé de froid pendant que les riches se chauffaient devant de grands feux. Ils ignoraient les furieuses rêveries dans les taudis battus par la neige, devant la maigre chandelle qui va s'éteindre. Le besoin alors de faire justice, le devoir de la révolte pour sauver la femme et les enfants de l'aphtisie, pour qu'ils aient eux aussi un nid chaud où l'existence soit possible. Ah, la misère qui a froid, c'est l'excès de l'injustice sociale, la plus terrible école où le pauvre apprend à connaître sa souffrance, s'en indigne et jure de la faire cesser, quitte à faire crouler le vieux monde. Et Pierre trouvait encore, dans cette douceur du ciel, l'explication de saint François, le divin mendiant d'amour, battant les chemins, célébrant le charme délicieux de la pauvreté. Il était sans doute un inconscient révolutionnaire. Il protestait à sa façon contre le luxe débordant de la cour de Rome par ce retour à l'amour des humbles, à la simplicité de la primitive Église. Mais jamais un tel réveil de l'innocence et de la sobriété ne se serait produit dans une contrée du Nord que glacent les froids de décembre. Il y fallait l'enchantement de la nature, la frugalité d'un peuple nourri de soleil, la mendicité bénie par les routes toujours tièdes. C'était ainsi qu'il avait dû en venir au total oubli de soi-même. La question paraissait d'abord embarrassante. Comment un saint François avait-il pu naître jadis, l'âme si brûlante de fraternité, communiant avec les créatures, les bêtes, les choses, sur cette terre aujourd'hui si peu charitable, dure aux petits, méprisant son bas peuple, ne faisant pas même l'aumône à son pape. Était-ce donc que l'antique orgueil avait desséché les cœurs, ou bien était-ce que l'expérience des très vieux peuples menait à un égoïsme final, pour que l'Italie semblât s'être ainsi engourdie l'âme dans son catholicisme dogmatique et pompeux, tandis que le retour à l'idéal évangélique, la passion des humbles et des souffrants, se réveillait de nos jours aux plaines douloureuses du Septentrion, parmi les peuples privés de soleil. C'était tout cela. Et cela fit surtout que saint François, lorsqu'il avait épousé si gaiement sa dame la pauvreté, avait pu ensuite la promener, pieds nus, vêtue à peine, par des printemps splendides, au travers de populations que brûlait alors un ardent besoin de compassion et d'amour. Tout en causant, Pierre et Narcisse étaient arrivés sur la place Saint-Pierre, et ils s'assirent à la porte du restaurant où ils avaient déjà déjeuné, devant une des petites tables, au linge douteux, qui se trouvait rangée là le long du pavé. Mais la vue était vraiment superbe. La basilique en face, le Vatican à droite, au-dessus du développement majestueux de la colonnade. Tout de suite, Pierre avait levé les yeux, s'était remis à regarder ce Vatican qui le hantait, ce deuxième étage aux fenêtres toujours closes où vivait le pape, où jamais rien de vivant n'apparaissait. Et comme le garçon commentait son service en apportant des hors-d'œuvre, des finocchi et des anchois, le prêtre eut un léger cri pour attirer l'attention de Narcisse. « Oh ! Voyez donc, mon ami, là, à cette fenêtre que l'on m'a donnée comme étant celle du Saint-Père, vous ne distinguez pas une figure pâle, tout debout, immobile ?» Le jeune homme se mit à rire. « Eh bien, mais ce doit être le Saint-Père en personne. Vous désirez tant le voir que votre désir l'évoque. »« Je vous assure, » répéta Pierre, « qu'il y a là, derrière les vitres, une figure toute blanche qui regarde. » Narcisse, ayant grand faim, mangeait en continuant de plaisanter. Puis, brusquement, « Alors, mon cher, puisque le pape nous regarde, c'est le moment de nous occuper encore de lui. Je vous ai promis de vous raconter comment il avait englouti les millions du patrimoine de Saint-Pierre dans l'effroyable crise financière dont vous venez de voir les ruines, et une visite au quartier neuf des près du château ne serait pas complète si cette histoire, en quelque sorte, ne lui servait de conclusion. » Sans perdre une bouchée, il parla longuement. À la mort de Pie IX, le patrimoine de Saint-Pierre dépassait 20 millions. Longtemps, le cardinal Antonelli, qui spéculait et faisait généralement de bonnes affaires, avait laissé cet argent en partie chez Rothschild, en partie entre les mains des différents nonces, qu'il chargeait ainsi de le faire fructifier à l'étranger. Mais après la mort du cardinal Antonelli, son remplaçant, le cardinal Simeoni, redemanda l'argent au nonce pour le placer à Rome. Ce fut alors que, dès son avènement, Léon XIII composa, dans le but de gérer le patrimoine, une commission de cardinaux, dont Monsignore Folchi fut nommé secrétaire. Ce prélat, qui joua pendant 12 années un rôle considérable, était le fils d'un employé de la daterie, lequel laissa 1 million d'héritages gagnés dans d'adroites opérations. Très habile lui-même, tenant de son père, il se révéla comme un financier de premier ordre, de sorte que la commission, peu à peu, lui abandonna tous ses pouvoirs, le laissa agir complètement à son gré, en se contentant d'approuver le rapport qu'il présentait à chaque séance. Le patrimoine ne produisait guère 1 million de rentes, et comme le budget des dépenses était de 7 millions, il fallait en trouver 6 autres. Sur le denier de Saint-Pierre, le pape donna donc annuellement 3 millions à Monsignore Folchi, qui, pendant les 12 années de sa gestion, accomplit le prodige de les doubler par la science de ses spéculations et de ses placements, de façon à faire face au budget sans jamais entamer le patrimoine. Ainsi, dans les premiers temps, il réalisa des gains considérables en jouant à Rome sur les terrains. Il prenait des actions de toutes les entreprises nouvelles, il jouait sur les moulins, sur les omnibus, sur les conduites d'eau, sans compter tout un agio mené de concert avec une banque catholique, la Banque de Rome. Émerveillé de tant d'adresse, le pape, qui jusque-là avait spéculé de son côté par l'intermédiaire d'un homme de confiance, nommé Sterbini, le congédia et chargea Monsignore Folchi de faire travailler son argent, puisqu'il faisait travailler si rudement celui du Saint-Siège. Ce fut l'époque de la grande faveur du prélat, l'apogée de sa toute-puissance. Les mauvais jours commençaient. Le sol craquait déjà, l'écroulement allait se produire en coup de foudre. Malheureusement, une des opérations de Léon XIII était de prêter de fortes sommes au prince romain, qui, mordu par la folie du jeu, engagé dans des affaires de terrains et de bâtisses, manquait d'argent. Et ceci lui donnait en garantie des actions. Si bien que, lorsque vint la débâcle, le pape n'eut plus entre les mains que des chiffons de papier. D'autre part, il y avait toute une histoire désastreuse. La tentative de créer une maison de crédit à Paris, afin d'écouler, parmi la clientèle religieuse et aristocratique, des obligations qu'on ne pouvait placer en Italie. Et, pour amorcer, on disait que le pape était dans l'affaire. Et le pis, en effet, était qu'il devait y compromettre 3 millions. En somme, la situation devenait d'autant plus critique que, peu à peu, il avait mis les millions dont il disposait dans la terrible partie d'Agio qui se jouait à Rome, sous les fenêtres de son Vatican, brûlé sûrement de la passion du jeu, animé peut-être aussi du sourd espoir de reconquérir par l'argent cette ville qu'on lui avait arrachée par la force. Sa responsabilité allait rester entière, car jamais Monsignore Folchi ne risquait une affaire importante sans le consulter. Et il se trouvait être ainsi le véritable artisan du désastre, dans son âpreté au gain, dans son désir plus haut de donner à l'Église la toute-puissance moderne des gros capitaux. Mais, comme il arrive toujours, le prélat paya seul les fautes communes. Il était de caractère impérieux et difficile, les cardinaux de la commission ne l'aimaient guère, jugeant les séances parfaitement inutiles, puisqu'il agissait en maître absolu, et qu'on se réunissait uniquement pour approuver ce qu'il voulait bien faire connaître de ses opérations. Quand la catastrophe éclata, un complot fut ourdi, les cardinaux terrifièrent le pape par les mauvais bruits qui couraient, puis forcèrent Monsignore Folchi à rendre ses comptes devant la commission. La situation était très mauvaise. Des pertes énormes ne pouvaient plus être évitées. Et il fut disgracié. Et depuis ce temps, il a vainement imploré une audience de Louis XIII, qui, durement, a toujours refusé de le recevoir, comme pour le punir de leur aberration à tous deux, cette folie du lucre qui les avait aveuglés. Mais il ne s'est jamais plaint, très pieux, très soumis, gardant ses secrets et s'inclinant. Personne ne saurait dire au juste le chiffre de millions que le patrimoine de Saint-Pierre a laissé dans cette bagarre de Rome, changée en tripot. Et si les uns n'en avouent que 10, les autres vont jusqu'à 30. Il est croyable que la perte a été d'une 15 millions. Après des côtelettes aux tomates, le garçon apportait un poulet frit. Et Narcisse conclut en disant « Oh, le trou est bouché maintenant. Je vous ai dit les sommes considérables fournies par le denier de Saint-Pierre, dont le pape seul connaît le chiffre et règle l'emploi. D'ailleurs, il n'est pas corrigé. Je sais de bonnes sources qu'il joue toujours. Avec plus de prudence, voilà tout. Son homme de confiance est encore aujourd'hui un prélat, Monsignore Marzolini. Je crois... qui fait ses affaires d'argent. Eh, dame, mon cher, il a bien raison. On est de son temps, que diable !» Pierre avait écouté avec une surprise croissante, où s'était mêlée une sorte de terreur et de tristesse. Ces choses étaient bien naturelles, légitimes même, mais jamais il n'avait songé qu'elles dussent exister dans son rêve d'un pasteur des âmes, très loin, très haut, dégagé de tous les soucis temporels. Et quoi, ce pape, ce père spirituel des petits et des souffrants, avait spéculé sur des terrains, sur des valeurs de bourse. Il avait joué, placé des fonds chez des banquiers juifs, pratiqué l'usure, fait suer à l'argent des intérêts. Ce successeur de l'apôtre, ce pontife du Christ, du Jésus, de l'Évangile, l'ami divin des pauvres. Puis, quel douloureux contraste! Tant de millions là-haut, dans ces chambres du Vatican, au fond de quelques meubles discrets. Tant de millions qui travaillaient, qui fructifiaient, sans cesse placés et déplacés pour qu'ils produisissent davantage, tels que des œufs d'or couvés avec une tendresse passionnée d'avare. Et tout près, en bas, dans ces abominables bâtisses inachevées du quartier neuf, tant de misère, tant de pauvres gens qui mouraient de faim au milieu de leur ordure, les mères sans lait pour leurs nourrissons, les hommes réduits à la fainéantise par le chômage, les vieux agonisant comme des bêtes de somme qu'on abat lorsqu'elles ne sont plus bonnes à rien. Ah, Dieu de charité, Dieu d'amour, était-ce possible? Sans doute, l'Église avait des besoins matériels. Elle ne pouvait vivre sans argent. C'était une pensée de prudence et de haute politique que de lui gagner un trésor pour lui permettre de combattre victorieusement ses adversaires. Mais comme cela était blessant, salissant, et comme elle descendait de sa royauté divine pour n'être plus qu'un parti, une vaste association internationale, organisée dans le but de conquérir et de posséder le monde. Et Pierre s'étonnait davantage encore, devant l'extraordinaire aventure. Avait-on jamais imaginé drame plus inattendu, plus saisissant? Ce pape, qui s'enfermait étroitement dans son palais, une prison certes, mais une prison dont les 100 fenêtres ouvraient sur l'immensité, Rome, la campagne, les collines lointaines. Ce pape qui, de sa fenêtre, à toutes les heures du jour et de la nuit, par toutes les saisons, embrassé d'un coup d'œil, voyait sans cesse se dérouler à ses pieds sa ville, la ville qu'on lui avait volée, dont il exigeait la restitution d'un cri de plainte ininterrompu. Ce pape qui, dès les premiers travaux, avait assisté ainsi, de jour en jour, aux transformations que sa ville subissait. Les percées nouvelles, les vieux quartiers abattus, les terrains vendus, les bâtisses neuves s'élevant peu à peu de toutes parts, finissant par faire une ceinture blanche aux antiques toitures rousses. Et ce pape alors, devant ce spectacle quotidien, cette furie de construction qu'il pouvait suivre de son lever à son coucher, gagné lui-même par la passion du jeu qui montait de la cité entière telle qu'une fumée d'ivresse. Et ce pape, du fond de sa chambre stoïquement close, se mettant à jouer sur les embellissements de son ancienne ville, tâchant de s'enrichir avec le mouvement d'affaires déterminé par ce gouvernement italien qu'il traitait de spoliateur, puis perdant brusquement des millions dans une colossale catastrophe qu'il aurait dû souhaiter, mais qu'il n'avait pas prévue. Non, jamais un roi détrôné n'avait cédé à une suggestion plus singulière, pour se compromettre dans une aventure plus tragique qui le frappait comme un châtiment. Et ce n'était pas un roi, c'était le délégué de Dieu. C'était Dieu lui-même, infaillible aux yeux de la chrétienté idolâtre. Le dessert venait d'être servi, un fromage de chèvre, des fruits, et Narcisse achevait une grappe de raisin. Lorsque, levant les yeux, il s'écria « Mais vous avez raison, mon cher! Je vois très bien cette ombre pâle là-haut derrière les vitres, dans la chambre du Saint-Père. » Pierre, qui ne quittait pas des yeux la fenêtre, dit lentement « Oui, oui, elle avait disparu. Elle vient de reparaître. Et elle est toujours là, immobile, toute blanche. Parbleu, que voulez-vous qu'il fasse ? Reprit le jeune homme de son air languissant, sans qu'on sût s'il se moquait. Il est comme tout le monde, il regarde par sa fenêtre quand il veut se distraire un peu, d'autant plus qu'il a vraiment de quoi regarder, sans se lasser jamais. Et c'était bien ce fait qui, de plus en plus, s'emparait de Pierre, l'envahissait d'une émotion grandissante. On parlait du Vatican fermé, il s'était imaginé un palais sombre, clos de hautes murailles, car personne n'avait dit, personne ne semblait savoir, que ce palais dominait Rome, et que de sa fenêtre, le pape voyait le monde. Cette immensité, Pierre la connaissait bien, pour l'avoir vue du sommet du Janicule, pour l'avoir revue des loges de Raphaël et du dôme de la basilique. Et ce que Léon XIII regardait à cette minute, immobile et blanc derrière les vitres, Pierre l'évoquait, le voyait avec lui. Au centre du vaste désert de la campagne, que bornaient les monts de la Sabine et les monts Albins, Léon XIII voyait les sept collines illustres, le Janicule, que couronnaient les arbres de la Villa Pamphilie, l'Aventin, où il ne restait que les trois églises à demi cachées dans les verdures, le Caelius, plus reculé, désert encore, parfumé par les oranges mûres de la Villa Mattei, le Palatin, que bordait une maigre rangée de cyprès, poussé là comme sur la tombe des Césars, l'Esquilin, d'où se dressait le clocher mince de Sainte-Marie Majeure, le Viminal, qui ressemblait à une carrière éventrée, avec son amas confus et blanchâtre de construction neuve, le Capitole, qu'indiquait à peine le campanile carré du palais du sénateur, le Quirinal, où s'allongeait le palais du roi, d'un jaune éclatant parmi les ombrages noirs des jardins. Il voyait, outre Sainte-Marie Majeure, toutes les basiliques, Saint-Jean de Latran, le berceau de la papauté, Saint-Paul hors les murs, Sainte-Croix de Jérusalem, Sainte-Agnès et les dômes du Gesù, de Saint-André de la Vallée, de Saint-Charles, de Saint-Jean des Florentins et les 400 églises de Rome, qui font de la ville un champ sacré planté de croix. Il voyait les monuments fameux, témoignages de l'orgueil de tous les siècles, le fort Saint-Ange, un tombeau d'empereur transformé en une forteresse papale, la ligne blanche des autres tombeaux de la voie appienne, là-bas, puis les ruines éparses des thermes de Caracalla, de la maison de Septime Sévère, des colonnes, des portiques, des arcs de triomphe, puis les palais et les villas des somptueux cardinaux de la Renaissance, le palais Farnèse, le palais Borghese, la villa Médicis, et d'autres, dans un pullulement de toitures et de façades. Mais il voyait surtout, sous sa fenêtre même, à gauche, l'abomination du nouveau quartier inachevé des prés du château. L'après-midi, lorsqu'il se promenait dans ses jardins, que le mur de Léon IV bastionne comme un plateau de citadelle, il avait la vue affreuse du vallon qu'on a ravagé au pied du mont Mario pour y établir des briqueteries, à l'heure fiévreuse de la folie des constructions. Les pentes vertes sont éventrées, des tranchées jaunâtres les coupent de toutes parts, tandis que les usines, fermées aujourd'hui, ne sont plus que des ruines lamentables avec leurs hautes cheminées mortes d'où la fumée ne monte plus. Et à toutes les autres heures du jour, il ne pouvait s'approcher de sa fenêtre sans avoir sous les yeux le spectacle des bâtisses abandonnées pour lesquelles avaient travaillé tant de briqueteries, ces bâtisses mortes également avant d'avoir vécu, où il n'y avait à cette heure que la misère grouillante de Rome qui pourrissait là, comme la décomposition même des vieilles sociétés. Mais Pierre surtout s'imaginait que Léon XIII, l'ombre toute blanche là-haut, finissait par oublier le reste de la ville, pour laisser sa rêverie se fixer sur le palatin, aujourd'hui découronné, ne dressant dans le ciel bleu que ses cyprès noirs. Sans doute, il rebâtissait en pensée les palais des Césars. Il aimait à y évoquer de grandes ombres glorieuses, vêtues de pourpre, ses ancêtres véritables, empereurs et grands pontifes, qui seuls pouvaient lui dire comment on régnait sur tous les peuples, en maître absolu du monde. Puis, ses regards allaient au Quirinal. Et là, il s'absorbait durant des heures dans ce spectacle de la royauté d'en face. Quelle étrange rencontre! Ces deux palais qui se regardent, le Quirinal et le Vatican, qui dominent, qui sont dressés l'un devant l'autre, par-dessus la Rome du Moyen-Âge et de la Renaissance, dont les toitures, cuites et dorées sous les brûlants soleils, s'entassent et se confondent au bord du Tibre. Avec une simple jumelle de théâtre, le pape et le roi, quand ils se mettent à leur fenêtre, peuvent se voir très nettement. Ils ne sont que des points négligeables, perdus dans l'étendue sans bornes. Et quel abîme entre eux! Que de siècles d'histoire! Que de générations qui ont lutté et souffert! Que de grandeurs mortes et que de semences pour le mystérieux avenir! Ils se voient, ils en sont encore à l'éternelle lutte. À qui aura le peuple dont le flot s'agite là sous leurs yeux? À qui restera le souverain absolu, du pontife, pasteur des âmes, ou du monarque, maître des corps? Et Pierre, alors, se demanda quelles étaient les réflexions, les rêveries de Léon XIII, derrière ses vitres, où il croyait toujours distinguer sa pâle figure d'apparition. Devant la nouvelle Rome, au vieux quartier ravagé, au nouveau quartier battu par un vent de désastre, il devait certainement se réjouir de l'avortement colossal du gouvernement italien. On lui avait volé sa ville, on avait eu l'air de dire qu'on voulait lui montrer comment on créait une grande capitale, et on aboutissait à cette catastrophe, à tant de laides bâtisses inutiles qu'on ne savait même comment finir. Il ne pouvait qu'être ravi des embarras terribles dans lesquels le régime usurpateur était tombé. La crise politique, la crise financière, tout un malaise national grandissant où ce régime semblait menacé de sombrer un jour. Et pourtant, n'avait-il pas lui-même l'âme d'un patriote? N'était-il pas un fils aimant de cette Italie dont le génie et la séculaire ambition circulaient dans le sang de ses veines? Ah non, rien contre l'Italie, tout au contraire pour qu'elle redevînt la maîtresse de la terre. Une douleur montait sûrement, au milieu de la joie de son espérance, quand il la voyait ainsi ruinée, menacée de la faillite, étalant cette Rome bouleversée et inachevée qui était l'aveu public de son impuissance. Mais si la dynastie de Savoie devait être emportée un jour, n'était-il pas là, lui, pour la remplacer et rentrer enfin en possession de sa ville que, depuis 15 ans, il n'apercevait plus que de sa fenêtre, en proie aux démolisseurs et aux maçons? Il redevenait le maître, il régnait sur le monde, trônait dans la cité prédestinée à laquelle les prophéties avaient assuré l'éternité et l'universelle domination. Et l'horizon s'élargissait, et Pierre se demanda ce que Léon XIII voyait par-delà Rome, par-delà la campagne romaine, par-delà les monts de la Sabine et les monts Albins, dans la chrétienté entière. Puisqu'il s'était enfermé dans son Vatican depuis 18 années, puisqu'il n'avait sur le monde d'autre ouverture que la fenêtre de sa chambre, Que voyait-il de là-haut? Quels échos, quelles vérités et quelles certitudes lui arrivaient de nos sociétés modernes? Parfois, des hauteurs du Viminal où la gare se trouve, les longs sifflements des locomotives devaient lui parvenir. Et c'était notre civilisation scientifique, les peuples rapprochés, l'humanité libre allant à l'avenir. Rêvait-il lui-même de liberté lorsque, tournant les regards vers la droite, il devinait la mer, là-bas, au-delà des tombeaux de la voie appienne? Avait-il jamais voulu partir, quitter Rome et son passé, pour fonder ailleurs la papauté des nouvelles démocraties? Puisqu'on le disait d'un esprit si net, si pénétrant, il aurait dû comprendre, il aurait dû trembler au bruit lointain qui lui venait de certains pays de lutte, de cette Amérique, par exemple, où des évêques révolutionnaires étaient en train de conquérir le peuple. Était-ce pour lui ou pour eux qu'il travaillait? S'il ne pouvait les suivre, s'il s'entêtait dans son Vatican, lié de tous côtés par le dogme et la tradition, n'était-il pas à craindre qu'une rupture un jour ne s'imposât? Et la menace d'un vent de schisme soufflant de loin lui passait sur la face, l'emplissait d'une angoisse croissante. C'était bien pour cela qu'il s'était fait le diplomate de la conciliation, voulant rassembler dans sa main toutes les forces éparses de l'Église, fermant les yeux sur les audaces de certains évêques autant que la tolérance le permettait, s'efforçant lui-même de conquérir le peuple en se mettant avec lui contre les monarchies tombées. Mais irait-il jamais plus loin? Ne se trouvait-il pas muré derrière la porte de bronze dans la stricte formule catholique où les siècles l'entraînaient? L'obstination y était fatale. Il lui serait impossible de ne régner que sur les âmes, par sa force réelle et toute puissante, ce pouvoir purement spirituel, cette autorité morale de l'au-delà, qui amenait l'humanité à ses pieds, qui faisait s'agenouiller les pèlerinages et s'évanouir les femmes. Abandonner Rome, renoncer au pouvoir temporel, ce serait changer le centre du monde catholique. Ce serait n'être plus lui, chef du catholicisme, mais un autre, chef d'une autre chose. Et quelles pensées inquiètes à cette fenêtre, si le vent du soir, parfois, lui apportait la vague image de cet autre, la crainte de la religion nouvelle, confuse encore, qui s'élaborait dans le sourd piétinement des nations en marche, dont les bruits lui arrivaient à la fois de tous les points de l'horizon. Mais, à ce moment, Pierre sentit que, derrière les vitres closes, l'ombre blanche, l'ombre immobile, était tenue debout par l'orgueil, dans la continuelle certitude de vaincre. Si les hommes n'y suffisaient pas, le miracle interviendrait. Il avait l'absolue conviction qu'il rentrerait en possession de Rome. Et si ce n'était pas lui, ce serait son successeur. L'Église, dans son indomptable énergie de vivre, n'avait-elle pas l'éternité devant elle? D'ailleurs, pourquoi pas lui? Est-ce que Dieu ne pouvait pas l'impossible? Demain, si Dieu le voulait, malgré tous les raisonnements humains, malgré l'apparence de la logique des faits, sa ville lui serait rendue à quelque brusque tournant de l'histoire. Ah! Quelle fête à cette fille prodigue dont il n'avait cessé de suivre les aventures équivoques de ses yeux paternels mouillés de larmes. Il oublierait vite les débordements auxquels il venait d'assister pendant 18 années, à toutes les heures et par toutes les saisons. Peut-être rêvait-il à ce qu'il ferait de ces quartiers nouveaux dont on l'avait souillé. Les abattrait-il? Les laisserait-il là, comme un témoignage de la démence des usurpateurs? Elle redeviendrait la ville auguste et morte, dédaigneuse des vains soucis de propreté et d'aisance matérielle, rayonnant sur le monde telle qu'une âme pure, dans la gloire traditionnelle des siècles passés. Et son rêve continuait. Imaginait la façon dont les choses allaient se passer. Demain, sans doute. Tout valait mieux que la maison de Savoie, même une république. Pourquoi pas une république fédérative qui morcellerait l'Italie selon les anciennes divisions politiques abolies et qui lui restituerait Rome et qui le choisirait comme le protecteur naturel de l'État ainsi reconstitué. Puis ses regards s'étendaient au-delà de Rome, au-delà de l'Italie, son rêve s'élargissait toujours, englobait la France républicaine, l'Espagne qui pouvait l'être de nouveau, l'Autriche elle-même qui un jour serait gagnée, toutes les nations catholiques devenues les États-Unis d'Europe, pacifiés et fraternisants sous sa haute présidence de souverain pontife. Puis, dans le triomphe suprême, c'était enfin toutes les autres églises qui disparaissaient, tous les peuples dissidents qui venaient à lui comme au pasteur unique. Jésus qui régnait en sa personne sur la démocratie universelle. Pierre, brusquement, fut interrompu dans ce rêve qu'il prêtait à Léon XIII. « Oh, mon cher, dit Narcisse, voyez donc le ton des statues, là, sur la colonnade. » Il s'était fait servir une tasse de café, il fumait languissamment un cigare, retombé à ses seules préoccupations d'esthétique raffinée. « N'est-ce pas ? Elles sont roses, et d'un rose qui tire sur le mauve, comme si le sang bleu des anges coulait dans leurs veines de pierre. C'est le soleil de Rome, mon ami, qui leur donne cette vie supraterrestre, car elles vivent, je les ai vues me sourire et me tendre les bras par certains beaux crépuscules. Ah, Rome, Rome merveilleuse et délicieuse! On y vivrait de l'air du temps, aussi pauvre que Job, dans la continuelle joie d'en respirer l'enchantement. » Cette fois, Pierre ne put s'empêcher d'être surpris, en se rappelant sa voix si nette, son esprit de financier si clair et si sec. Et sa pensée retourna auprès du château. Une affreuse tristesse lui noya le cœur, devant cette évocation dernière de tant de misère et de tant de souffrance. Il revoyait de nouveau la saleté immonde où tant de créatures se gâtaient. Cette abominable injustice sociale qui condamne le plus grand nombre à une existence de bête maudite, sans joie, sans pain. Et comme ses regards remontaient encore vers les fenêtres du Vatican, il songea, en croyant voir se lever une main pâle derrière les vitres, à cette bénédiction papale que Léon XIII donnait de si haut, par-dessus Rome, par-dessus la campagne et les monts, aux fidèles de la chrétienté entière. Et cette bénédiction lui apparut tout d'un coup dérisoire et impuissante, puisque depuis tant de siècles, elle n'avait pu supprimer une seule des douleurs de l'humanité, puisqu'elle n'arrivait même pas à faire un peu de justice pour les misérables qui agonisaient là, en bas, sous la fenêtre.